Voici votre bulletin régional. Sous pépinéfice de la Fondation Pauline Baudry, 18h à Instinguis. Information à 819-574-0251. La relève du Haut-Saint-François tient une activité mijoton à dos au Centre culturel de Instinguis le 23 mai. Inscription et information à facebook.com/relève-hsf, par courriel à la-relève-hsf@hotmail.ca, par téléphone au 819-416-1508. Dimanche le 24 mai, à la salle des loisirs de Saint-Isidore de Clifton, dès 10h, se tient le brunch annuel des pompiers pour l'achat de pain de désincarcération. Au programme, en plus d'un excellent repas servi par les pompiers, un hommage sera fait aux bénévoles des organismes de la municipalité. En après-midi, une démonstration de désincarcération par les pompiers et pour terminer, une visite guidée en autobus des infrastructures municipales. Pour information, 819-658-3637. À Dodduel, le 24 mai, vote par anticipation de l'élection partielle pour combler un poste de conseiller vacant au conseil municipal. Ça se déroule au centre communautaire du secteur de Marbleton de midi à 20h.